إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه، أي إقبالك على عبادة الله في وقت الفتن والقتل والقتال لك فيه أجر عظيم كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من شر الفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من الفتن ويقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. فنحن في زمن الفتن، وكلما انقضت فتنة جاءت فتنة هي أعظم منها. قال الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ويقول تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. رواه مسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Il a été authentifié dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'adoration lors de troubles, pendant les périodes de discorde, de troubles, de guerre civile, de tuerie, est comme et semblable, une adoration accomplie pendant ces moments est semblable à une émigration vers moi, à celui qui a émigré vers le prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith rapporté par Muslim d'après Mi'qal ibn Yasar radiyallahu anhu. C'est-à-dire que tu t'adonnes à l'adoration d'Allah Azza wa Jal pendant ces moments difficiles, ces moments de trouble et de discorde dans lesquels il y a de la tuerie, il y a des combats. Tu as pour cela une grande récompense qui t'attend, semblable à une émigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam disait à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum: cherchez refuge auprès d'Allah, demandez la protection d'Allah contre le mal, des troubles et des discordes. Et il dit alayhi salatu wa salam: le bienheureux véritable est celui qui a été épargné des troubles, celui qui n'est pas dans les troubles, qui est resté loin des troubles et des discordes. Il répéta cela 3 reprises, alayhi salatu wa salam, le hadith rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam a mis en garde ses compagnons contre les troubles, les discordes, et il dit: viendront plus tard des troubles et des discordes. Celui à ces moments-là qui sera assis est meilleur que celui qui est debout. Celui qui est debout est meilleur que celui qui marche. Celui qui marche est meilleur que celui qui s'empresse ou qui court. C'est-à-dire, plus tu es loin des troubles, et plus tu es meilleur que celui qui s'en rapproche. Et celui qui cherche à entrer dans les troubles, ces troubles le prennent. C'est-à-dire, il tombe dans ce grand mal. Et celui qui a trouvé un refuge ou un abri, alors qu'il s'y protège dedans, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Nous sommes dans ces périodes-là dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Et à chaque fois qu'un trouble s'en va, un autre vient bien plus grand. Tellement qu'il est plus grand, il te fait oublier le trouble passé. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset: ne voit-il pas qu'on les éprouve chaque année à une reprise ou 2 reprises, puis ils ne se repentent pas et ils ne s'en rappellent pas ou ne réfléchissent pas. Et Allah dit aussi dans le sens du verset: et à chaque fois qu'on leur montre un signe, ce signe-là, il est plus grand que celui et plus énorme que celui qui l'a précédé. Le prophète alayhi salatu wa salam dit: avant que l'heure ne vienne, avant que l'heure ne sonne, avant que vienne la fin du monde, il y aura des troubles semblables à des parties sombres de la nuit. Au matin, l'homme, il était croyant, et au soir, il est mécréant. Le soir, il était croyant, et au matin, il est devenu mécréant. Certaines personnes en arrivent à vendre leur religion pour un vil prix de ce bas monde. Le hadith rapporté par Muslim. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: et par celui, il jure par Allah azza wa jal, et par celui qui détient mon âme dans sa main, viendront des périodes, des époques aux gens dans lesquelles le tueur ne sait même pas pourquoi il a tué, et le tué ne sait même pas pourquoi il a été tué, rapporté par Muslim. اللهم ارزقنا الى دينك رضا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد